Il est vrai que le grand génie d'Hannibal semblait avoir remédié aux défauts de sa république. On regarde comme un prodige que, dans un pays étranger, et durant 16 ans entiers, il n'ait jamais vu, je ne dis pas de sédition, mais de murmure, dans une armée toute composée de peuples divers, qui, sans s'entendre entre eux, s'accordaient si bien à entendre les ordres de leur général. Mais l'habileté d'Hannibal ne pouvait pas soutenir Carthage. Lorsque, attaquée dans ses murailles par un général comme Scipion, elle se trouva sans force. Il fallut rappeler Hannibal, à qui il ne restait plus que des troupes affaiblies, plus par leur propre victoire que par celle des Romains, et qui achevèrent de se ruiner par la longueur du voyage. Ainsi, Hannibal fut battu, et Carthage, autrefois maîtresse de toute l'Afrique, de la mer Méditerranée et de tout le commerce de l'univers, fut contrainte de subir le joug que Scipion lui imposa. Voilà le fruit glorieux de la patience romaine. Des peuples qui s'hardissaient et se fortifiaient par leur malheur avaient bien raison de croire qu'on sauvait tout pourvu qu'on ne perdît pas l'espérance. Et Polybe a très bien conclu que Carthage devait à la fin obéir à Rome par la seule nature des deux républiques.